إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ أي باب؟ التبرك بالشجرة والأحجار ونحو ذلك. Le fait de chercher la baraka dans une chose qu'on a rejeté de la baraka. وما حكم ذلك؟ Asrar al-akbar bihasb al-i'tiqad. Ça dépend de croyance. Ma ma'na al-baraka? Talab al-khayr. Ala, baraka. Baraka en soi, c'est quoi baraka? C'est kathrat al-khayr wa istimrari wa thubutu. Wa madha kulna an al-tabarruk? Tabarouk avec la Kaaba, autre que les coins que a touché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le bida. Tabarouk avec la pierre noire. Le bida. Ah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a touché à la wajj, à ta'abboud, ou à l'issa à la wajj, tabarouk. Il n'y a pas de dalil que cette pierre noire apporte une quelconque baraka, comme le prouve le hadith de Omar, radiallahu anhu. Taïb. Sanatroulou. في باب جديد وهو ما جاء في الذبح لغير الله à propos de ce qui est égorgé pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. الذبح, l'égorgement, sacrifice, à la base c'est une ibada maliya, elle est basée sur les biens financiers. Avant cela, les forme de ibadat qu'on a appris, c'est qalbiya. Ce qu'on a appris avant, c'est lié à la croyance de chercher à se protéger d'un mal par telle ou telle chose qui n'est pas une cause. Ça rentre dans quoi? Dans l'amal qalbi, dans les croyances. Et l'ibadat, on a dit, sont de quatre catégories. Irtiqadiya, ce qui est lié à la croyance. Qawliya, ce qui est lié aux paroles. Badaniya, ce qui est lié au corps, aux gestes. Et maliya, ce qui est lié au bien. وهذا الذبح يدخل في بابين يرون دون المالية والبدنية car l'égorgement ne se fait pas de n'importe quelle façon. Il y a un rite, façon de faire, et il voit même qu'au lia, parce qu'il faut faire tasmiya, on peut même rajouter cela sammi pour dire bismillah. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أي ما جاء فيها من الوعيد وأنها من الشرك الأكبر كما دلت الأدلة. Donc pour dire que ce ذبح لغير الله c'est le shirk akbar, surtout face à la grande menace qui plante celui qui le ferait, quand cela va venir dans l'adillah. Il n'y a pas de tafsil. الذبح لغير الله, il n'y a pas de shirk asrar dedans ou quoi ou quoi, c'est du akbar directement, comme le tawakkul مثلا. C'est du akbar mubashara. Pourquoi? Car le zabh lillah, hadha shay la yakunu ila ta'ziman. Tu fais du ta'zim. Et ce ta'zim la yakunu ila lillah. Wa mahabbatan kadhalik, du mahabba qui n'est que pour Allah. Un ta'zim qui n'est que pour Allah. Et un takarrub, tu ne cherches à t'approcher que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le zabh lillah en soi et de deux formes. Celui qui est un ta'zim li ghayrillah ou takarruban li ghayrihi pour autre que lui, avec la niyya de se rapprocher d'autre que lui, ça c'est du shirk akbar. Hada huwa maqsoud al-bab. Et le deuxième, égorger pour autre que Allah, pour une chose qui peut être mubah, permise, comme tijara, tu veux vendre de la viande, ou ikram al-dhaif, ou ghayr dhalika. Ça peut être aussi une chose wajiba, comme pour l'Eid, à la Sahih, ou l'Aqiqa, un khilaf entre ceux qui disent que c'est mustahab et ceux qui disent que c'est wajib pour le Qadir. Non. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Donc dit que certes ma salat, Nusuk ici et là-bas, c'est dans le sens de sacrifice. Et que ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a point d'associé. C'est cela qui m'a été ordonné, je suis le premier des soumis. Donc comme on l'a expliqué, comme le dit le Shir, Nusuki, à la base, Nusuk, c'est les rites. C'est des rites. Mais là, le tafsir de Nusuk dans ce verset, c'est Zabah. Et même s'il est dit pour autre chose plus large que cela, comme le Ta'aboud, le Zabh est en dedans également. Ouais, dans sa parole, wa mahyaya wa mamati, qala shaykh, ay ma ahya alayhi wa amut min al-ibadati wa al-a'mal hiya lillahi wahda. Wa tabyin wa al-ayati anna al-zabh ibadah wa annaha lillahi wa la tanbaghi an takuna li ghayrihi. Donc c'est-à-dire que sur ce quoi je vis et ce sur quoi je meurs comme adoration et comme œuvre ne sont que pour Allah seul. Car on a été créé pour cela. Le fameux verset. On a été créé pour ça. On vit pour adorer Allah. Donc celui qui égorge pour autre que Allah, ça reviendra à quelqu'un qui ferait, comme le stipule le verset, comme quelqu'un qui ferait une salat pour autre que Allah. C'est le shirk akbar. Mubasharatan. Le zabh qui rentre dedans. Tout comme celui qui vit pour autre que l'adoration d'Allah. C'est un mouchrik. Parmi les preuves que ce zabh, il est une ibadah, est juste pour Allah, qu'Allah Azza wa Jal, fassalli li rabbika wa anhar. Et accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Il y a une différence entre les deux, on l'avait expliqué. Que souvent, le nahar, c'est pour les gros animaux, mais l'un s'emploie pour l'autre également. On peut dire un nahar, peut mana, et zabh, kazalik. Donc, cela, salli, lillah, wa nahar, lahu, shukran, ala ni'mati, nahar, le kawthar. C'est-à-dire, fait la salat pour Allah et sacrifie pour lui. Pour le bienfait qui t'a accordé, qui est le fleuve du Kawthar, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le khitab, il est pour toute sa umma, malgré cela. قال وهذا يدل على أن النحر والصلاة عبادة عبادة لأنه أمر بهما. فمن نحر لغير الله فقد أشرك. كما لو صلى لغير الله فمن ذبح للصنم والجن وغيرهم فقد أشرك. نعم, c'est ce qu'on a dit juste avant. Que cela démontre que le nahr est que pour Allah, celui qui le ferait pour autre que Allah aura fait du shirk akbar, comme s'il avait fait une salat pour autre que lui. Donc celui qui égorge pour le sanam, pour le djinn ou autre, tout ce qui est en dehors d'Allah, cela est du shirk akbar. C'est parmi les choses que font Mathalan le Sahara, ils égorgent des animaux pour autre que Allah, pour avoir les shayatines à leur service. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa an Ali radiyallahu anhu. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. كسلو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه qui l'a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم m'a dit, m'a rapporté quatre paroles que Allah maudisse celui qui égorge pour autre que Allah. Et qu'il a maudit celui qui a maudit ses parents. Et qu'il a maudit celui qui a abrité un mujrim, un criminel ou un, ça va venir, mubtadi', innovateur. Et que Allah maudit celui qui change les indications de la terre, du sol, porté par un musulman. Donc là, dans ce hadith, il a commencé par le zabh en premier, car c'est le shirk akbar, car il est le plus grand des zunub. Il est le plus grand des zunub. Al-la'n, l'oratan, ça a le sens de al-sab ou al-shatam. C'est le fait d'insulter. Wa shal'an wa al-ib'ad wa al-tard an rahmatillah. Wa al-ib'ad wa al-tard an rahmatillah. Et Shad'an, c'est le fait de d'être éloigné, d'être sorti de la rahma d'Allah. D'où le fait, l'interdiction de maudire une personne toujours vivante. Savant qu'il y a un musulman ou kafira, il y a un khilaf, mais le cours de rajih, c'est que ce n'est pas permis. Car tu ne sais pas. Tu maudis une personne, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite le guide. Ça ne revient pas à toi. Mais il y a juz al-la'am ala al-wasf. Al-am, tu peux faire la la'ana sur des catégories de personnes. Comme déjà fait le Coran, fait l'ahadith. Tu dis, mesalan, la la'anatullah ala al-zalimin, ou al-kafirin, ou al-kazibin, sur les menteurs, sur les mécréants, sur les injustes. Tu peux dire ce que tu veux comme awsaf qui mérite l'arm, les gens qui font du mal. Donc le shirk est le plus grand des péchés. Donc il a commencé par cela, car le zab lui a ou min shirk al-akbar. Thumma fi qawlihi la'ana Allah man la'ana walidayhi. Ça aussi c'est parmi les kabayir. Et cela est expliqué par le hadith de Abdullah ibn Amr, l'imam Azkour, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith, a dit la'ana Allah man la'ana walidayhi. Faqalu kayfa yal'ana rajul walidayhi. Qala ubal la'ana Allah man sabba walidayhi. Je me rappelle plus si c'est sab ou la'an. Mouhim, il explique par la suite que l'un d'entre vous insulte le père d'une personne, donc cette personne-là te répond en insultant ton père ou ta mère. Donc toi, tu as provoqué le fait que tes parents aient été insultés en insultant les parents d'une autre personne, en premier lieu. Donc c'est comme ça que cela arrive. Comme il dit, يسب الرجل أباه رجل فيسب أباه ويسب أمه. Donc ça c'est une grande menace qui plane, surtout en ces périodes où beaucoup de musulmines insultent les parents des gens, ils insultent les mères des gens, ils insultent les pères des gens, ainsi de suite. هذا من خصال الجاهلية. Parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya, insulter une personne pour ce qui n'est pas en lui. Ça c'est connu. Même tu vois des gens qui s'apparentent à l'islam, qui passent leur journée à insulter les mères des gens. Les traitent de kaza et kaza et kaza et kaza. Tu le trouves aussi également dans beaucoup de ceux qui se disent muslimines. Parmi eux, certains le sont pour de vrai et d'autres. Aza la shakka fi kufrihim. Parmi ceux qui font dans la musique, mathalan. La musique la plus vulgaire qui est actuellement, c'est peut-être le rap, dans lequel ils passent leur temps à insulter les gens. Ni le plus fort, c'est celui qui a la plus belle insulte. Qui a l'insulte la plus... qui offense le plus. Et bien évidemment, la chose qui offense le plus, c'est l'honneur de la personne. Et très souvent, ce sont ses proches, ses parents, ou peut-être même ses frères, ses sœurs, ou les Alika. Ça touche à son honneur. Donc trouver l'insulte la plus originale, la plus violente, et la plus rabaissante pour la mère d'un tel ou le père d'un tel, ou les Alika. Donc ces gens-là, en faisant cela, sans compter les autres kabayers qu'ils font, s'exposent à la la'na. Sans compter les autres péchés qu'ils font à côté. Là, pour dire que c'est un effet boule de neige. Ils commencent par une chose qui s'imagine être permise et pour tomber dans des choses qui sont arvam. Et même des fois, aller jusqu'au shirk dans leurs paroles sans même s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. En même, akada. Et ça, c'est les chans, comme c'est venu dans les poètes, les gens qui font de la rime, que, comme a parlé Azawajel, un homme yakouloun ma la yafaloun. Et ça, chez les rappeurs, tu vas le voir. Il n'arrête pas de dire je fais, je suis. Il n'y a rien du tout. C'est que. Il y a un tarzim nes. Ça, ça peut entrer dans l'ibad. Ça peut entrer dans le shirk. Thumma qal. Même à la base, comme a dit Zakar al-Shir bin Nafsihuna, sabban nas adam al-kabair. Le fait d'insulter les gens. C'est parmi les kabaïr. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith ibn Mas'ud, il dit, « Sibab al-muslim fusuq wa kitaluhum kufr. » le fait d'insulter les musulmans, c'est de la perversion. Et le fait de le combattre, c'est de la mécréance, mais de la mécréance mineure. وهذا من أدلة على الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر. C'est أدلة mais c'est أدلة dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit d'une chose qui est autre que le shirk, que cela est du kufr. Cela te démontre. La salam là il dit que tel est musulman kufr. Le fait de combattre un musulman c'est du kufr. Donc quelqu'un pourrait dire ah, ce texte il en a pas rang. Donc si deux groupes parmi les musulmans se combattent, alors réconciliez entre les deux. Il a dit Taifatan min minin. Il a dit parmi les croyants. Donc le fait de combattre le musulman n'est pas du kufr en soi, à part si tu rends son sang permis. Stahil tastahil damahu wa hadha bila shubha. Comme ce fut le cas des Khawarij. Thumma qal fi al hadith la'ana Allah man awa muhditha. Celui qui a abrité un muhdith. Et là, dans l'ihdith, c'est soit le sens d'un crime commis, quelqu'un qui mérite un had, et comme a-t-il had alayhi, il a fait une chose qui mérite une sentence en islam. Il a tué quelqu'un, il mérite la qisas. Il a volé, il mérite quant à l'yad. Il a fait zina, il mérite la rajm. Ou min kuta'a turuq. Et ainsi de suite. Celui qui l'abrite en sachant le crime qu'il a commis, et sous la menace de la malédiction. Et le muhdith yurad kazalik bihi al-ihdath al-bid'a. On veut également par cela le mubtadi'a. Comme a dit le shi'a binafsi. Ay man awa al bid'a wal ma'asi wa nasarahum fa innahu mal'oun. Que celui qui abrite les gens de l'innovation ou des péchés et qui les soutient les secours, il est alors maudit. ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب النجدي صاحب فتح المجيد صاحب قرة أعين الموحدين قال فإنه إذا ارتضى بالبدعة أو أقر فعلها ولم ينكر عليه فقد أواه. Il dit maintenant celui qui agrée cette bid'a ou qui cautionne celui qui l'a commise et qui ne le blâme pas, alors il aura abrité. Donc ça veut dire que c'est une grande menace sur les gens de la bid'a en soi et leurs suiveurs qui les cautionnent et qui les secourent dans leur bid'a. Voilà où ta'ammala an-nas fi misl hadha al-wa'id la ta'annaw ashad ta'anni qabl an yadkhulu fi al-fitan. Allah, si les gens méditaient bien sur ce genre de hadith, ils feraient bien attention de ne pas se précipiter à entrer dans les fitan et à parler. Car il se peut que tu défendes le muhdith ant. Tu veux, soi-disant, défendre le haq d'après toi, tu suis tes passions, ou Allah, il retrouve ton cœur pour plein de péchés que tu as commis, ou réalise alika, pour un manque d'ikhlas, et tu te retrouves toi dans les rangs du mubtadi'a. Et c'est toi qui le défends, et c'est toi qui l'abrite. Et tu t'en prends à l'innocent et à l'injuste. Ah, ou lésé, je veux dire, et tu deviens injuste. Et là, Narsha Ali Kentatroul fait Adal Waïd. On craint pour toi. Que cette Waïd ne soit sur toi. Sois mal'oun. Wali Azubillah. Nasallallah al-Afiyah. Thumma qal, Ghayyara Manar al-Ard. Qu'il a changé les indications du sol. Qal, Al-Minar al-Marasim, Summiyat Manar, Liannaha tumayyizu, wa tubayyinu. وتعرف حدود الأراضي وتدل عليها فالذي يغيرها ملعون ملعون لأنه قد يؤدي إلى مشاكل والمصائب والمقاتلة. Donc c'est le fait de changer مثلا les choses qui viennent pour délimiter des terres. مثلا toi tu as une terre avec ton voisin ou avec des gens, tu as un champ, tu as un grand terrain qui t'appartient, il est délimité, c'est pas tout qui est à toi. Il y a des marques qui viennent pour démontrer quelle partie t'appartient et quelle partie appartient à Foulen ou à Foulen. Et des gens viennent et changent cela pour prendre de la terre de autrui, les Alika. Ça amène du litige entre les gens. Donc il est mal'oun. Et dedans, il y a trop également, comme le dit le Cheikh par la suite, le fait de changer les indications du chemin. Par exemple, le voyageur, il veut aller quelque part, il a un long chemin, il y a des panneaux d'indication qui te disent, مثلاً, tel endroit est par là-bas, telle ville est par là-bas, Sana'a, huna, Aden, huna, مثلاً. Sa'ada, huna. Toi, tu veux aller quelque part, et quelqu'un il vient, il change de direction. Tu vas te perdre. Ça peut te causer de même ta mort. Et il n'y a aucune faïda à faire cela. C'est vraiment un safi qui ferait ce genre de choses. Et pire que de la safaha, il mérite l'ana. Il mérite l'ana. T'as des gens qui s'amusent à ça. Change les panneaux d'indication. Tu veux aller vers le nord, ils t'indiquent l'ouest. Tu te perds et eux, ils rigolent. Eh bien, franchement, si ça va, je crois qu'ils rigoleraient beaucoup moins. L'yadhaku qalila ou l'yabku kathira jazem ma kanu yaksibun. والشاهد من الحديث en réalité c'est la première partie لعن الله من ذبح لغير الله. Celui qui égorge pour toi que Allah est maudit. ثم قال عن طالق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في الذباب ودخل في النار ودخل النار رجل في الذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. Que selon Tariq ibn Shihab, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un homme est rentré au feu à cause d'une mouche. Et un autre est rentré au Jannah à cause d'une mouche. Ils ont dit comment cela, au message d'Allah? Il a dit que deux hommes passèrent, c'est-à-dire sur le chemin d'un peuple qui avait un idole, une idole, et qui n'était permis à personne de passer par leur chemin, si ce n'est en sacrifiant une chose pour leur idole. Donc ils ont dit à l'un des deux, sacrifie. Il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie, ne serait-ce qu'une mouche. Il a sacrifié une mouche, ils l'ont laissé passer, il est entré au feu pour cela. Et l'autre, ils lui ont dit, sacrifie. Il a dit, je ne sacrifierai rien pour autre que Allah. Alors ils l'ont exécuté. Et de là, il est rentré au Jannah, rapporté par Ahmed. Et ce hadith, fi kalam. Et le qawl sahih dans ce hadith, car Tariq ibn Shihab, il y a eu un khilaf, est-ce que c'est un sahabi ou pas, est-ce qu'il n'y a pas, c'est que c'est un tabi'i, et que le hadith, il a été rapporté authentiquement, mawqufan an Salman al-Farisi. C'est-à-dire que le hadith s'arrête à Salman al-Farisi. Il ne remonte pas au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les ulama, ils sont obtenus d'émettre de jugement par rapport à ce hadith, un hukm jazim, décisif. Car le hadith, donc de ce hadith, en admettant son authenticité, qu'est-ce qui apparaît? Que cet homme a sacrifié une mouche qui est un insecte parmi les siens de plus insignifiant pour les gens, ce qui lui a coûté de rentrer au nar. Et cela, le ulama a expliqué comment cela est possible du fait qu'en fait dans son cœur, il a eu un tarzim pour ce sanam. Pourquoi? Car on sait qu'à la base, dans notre charia, que celui qui est contraint de faire du kufr, il est pardonné si son cœur est mutmain bil iman. Comme encore l'Azza wa Jal, il est man ukleha wa kalbu mutmainun bil iman. À part celui qui est contraint, dont le cœur est apaisé par la foi. Donc on se dit comment cela explique que le premier, s'il est rentré au nar, c'est qu'il l'a fait avec un tarzim. Et le deuxième, on aurait pu dire, pourquoi a-t-il été tué, alors qu'il aurait pu le dire dans la daroura, il allait se faire tuer. Il y en a, ils disent, peut-être que dans leur sharia à eux, à l'époque, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'ikrah. Tu n'as pas le droit de le faire. Ça, c'est un call. « Wa min maqila fihi kadhalik, annahu fa'ala hadha min bab al-azima. » Il aurait pu le faire, mais lui, il a eu la kouwa, il a dit qu'il préfère être tué que le faire. La mort pour moi, mais « ahab ilayya » min annaku anna azbah li ghayrillah, même une mouche, je ne le ferai pas. Tuez-moi si vous voulez, je ne le ferai pas. Et il a eu la force et la volonté et la détermination de ne pas le faire. Donc de là, ça lui a coûté de rentrer au Jannah. Après, il y a eu un khilaf. À quel moment une personne dans un ikrah doit-il tenir ou doit-il capituler et laisser apparaître à son opposant ce qu'il veut entendre de lui ou faire de lui. Même certains, ils ont mis qu'il y a un khilaf dans l'ikrah. Il y en a qui disent l'ikrah, ils disent dans le kol. Des mukrah dans les paroles, pas dans les actes. D'autres disent non, les adillah ils sont âmes, comme dans le verset. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدِ إِمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ. Celui qui a mécru après avoir eu la foi. Mécru, c'est âme. Ça n'a pas été précisé, est-ce que ce n'est pas les gestes ou pas la parole. Lakin, ça c'est que dans... Ça ne sort pas des gestes de la parole, car le cœur, personne ne peut contrôler ton cœur. La croyance, personne ne peut prendre une croyance, te force à avoir une croyance. On peut juste te faire dire la chose et te faire faire des actes, mais entrant dans ton cœur, personne ne peut le faire. C'est pour ça que dans le verset, il dit bien « وَقَلْبُهُ مُتْمَئِنٌ بِالْإِمَنِ » Son cœur est apaisé par la foi. Donc si cet homme, dans la première partie du hadith, est entré au feu, c'est que lui, dans son cœur, il a dû avoir un irtiqad. Sans quoi, il n'aurait pas mérité la mort, ou bien alors, comme on l'expliquait, peut-être que dans leur sharia, c'était interdit mutlaqan, dans l'absolu de le faire. Même si tu allais être mukrah, tu ne dois pas le faire. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli le hadith fi kalam, comme tu le sais. Al-Muhim, shahid min al-hadith, que yani l'ibra à tirer de ce hadith, c'est que quelle que soit la chose que tu égorges, comme cela va dans les masa'il, même une mouche, sacrifier une mouche, un moustique, une fourmi, et ta nièce, un tarzim pour que Allah, il n'y a pas de différence entre le fait que tu sacrifies un éléphant, que tu sacrifies un chameau, que tu sacrifies une girafe, que tu sacrifies un insecte. Ce n'est pas la tête de l'animal qui compte, mais à la base, en premier lieu, ta niya. Innama al-a'malu binniyat. نعم طيب وقال مسائل الحديث قال فيه مسائل الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي تفسير de la parole إن صلاتي ونسكي c'est-à-dire ma salat et mon sacrifice نسكي là c'était مفسر par ذبحي الثانية تفسير فصلي لربك وانحر أكبر صلاة pour ton Seigneur et sacrifie يعني شكرا لنعمة الكوثر الثالثة البداءة باللعنة من ذبح لغير الله. Le fait qu'il a dans le hadith, il a commencé par la malédiction de celui qui égorge pour autre que Allah. Et quand on dit égorger, ça peut être même le fait de tuer un animal par autre que le zabh, en espérant s'approcher tamam d'autre que Allah. Car si le hadith de la mouche avait été authentifié, je ne vois pas comment tu pourrais égorger une mouche. Mais c'est le fait de tuer un animal en vue de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam. Mais à la base, nous, notre tariqa de nusuk, c'est le zabh, c'est on égorge. On égorge au nahar. Mais demain, quelqu'un, je sais pas, il prend même une arme à feu et il veut tuer un animal, il dit, je tue cet animal-là pour tel sonam, il l'exécute. Ça entrera dans le fait qu'il aura sacrifié un animal pour autre que Allah. Si le niyat de ibadah, de takarrub, d'adoration, de takarrub, maintenant ils le tuent comme ça, comme ils le font le koufar pour leur viande, l'électrocution, eux, c'est pas une ibadah qu'ils font, eux, c'est pour avoir de la nourriture pour manger. C'est pas une ibadah. C'est pour cela que leur viande, elle est haram pour nous, mais on dit pas qu'ils font du shirk lorsqu'ils électrocutent les animaux. Eux, leur niya, c'est les tijara. ثم قال رابعة لعن من لعن والديه ومن ومنه أن تلعن والدي رجل فيلعن والديك. Le fait que Allah maudit celui qui aura maudit ses parents, et c'est le fait de maudire les parents d'autrui de la personne qui lui-même viendrait à maudire tes parents à toi. الخامسة لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره من ذلك. Donc malédiction sur celui qui abrite un mourdis, c'est la personne qui a fait une chose qui, sur laquelle doit s'appliquer le droit d'Allah comme sentence. Donc il va se réfugier vers quelqu'un, cette personne-là le protège. Donc c'est large. Ça peut être chez toi, on le cherche, il est chez toi. Ça peut être le fait que même demain, tu es avocat de la défense, tu le défends. C'est-à-dire, c'est dangereux d'être avocat. Sans compter les autres mukhalafat qu'il y a dedans. Le fait de le défendre devant les gens, ou de chercher à l'innocenter alors que tu sais qu'il est coupable. Et on a dit kazalik pour le mubtadi'. As-sadisa. La'ana man ghayyara manar al-ard wa yal marasim allati tufarriq bayna haqqik min al-ard wa haqqi jarik fa tughayyiruha bi taqdim aw ta'khir. Que la malédiction sur celui qui change les indications du sol, et c'est-à-dire les choses qui délimitent entre ta terre à toi, ton droit à toi et celui de ton voisin. Donc tu viens en reculant, en avançant pour obtenir plus, par exemple. Et rentre dedans également changer les panneaux d'indication. As-sabi'a al-farqu bayna al-la'n al-mu'ayyin wa al-la'n ahl al-ma'asi ala sabil al-'umum. La différence qui est entre le fait de maudire une personne en particulier désignée et de maudire les gens de désobéissance de façon générale. As-thamina hadhihi al-qissa 'azima hiya qissat az-zubab. Cette grande histoire qui est celle de l'histoire de la mouche. At-tasi'a kawnu dakhala an-nar bi sabab dhalika az-zubab alladhi lam yaqsudhu. Donc là c'est une kalam du mu'allif qui dit que qu'il est rentré au feu par cette mouche alors qu'il ne la voulait pas. Ça c'est un ta'wil. Il l'a fait juste cela pour se débarrasser de leur mal. Donc là, c'est dans la version on dirait que dans leur char à eux il n'était pas permis de le faire mutlakan même dans la contrainte. Sinon il y a un autre call qui dirait que dans son cœur elle a eu un ta'zim pour de vrai. Al-Ashira معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلى العمل الظاهر. Donc le fait de connaître la réalité du shirk dans le cœur des croyants et comment cette personne a patienté sur le fait d'être tué et qu'il n'a pas, il n'aura pas accordé ce qu'il voulait alors qu'ils n'ont demandé, de lui. Ils n'ont attendu de lui que des actes en apparence. Et là, comme dit Cheikh Othaymine, ça contredit le Ta'asiya. Dans une version. Ce qu'il a dit dans le 9e point. Al-Hadi Ashar. Anna lazi dakhala an-nar muslim. Liannahu lo kana kafiran nam yakul dakhala an-nar fi dhubab. Celui qui entre au feu à la base est un muslim. Car à la base, s'il avait été kafir, le fait d'avoir tué cette mouche-là n'aurait pas été la cause de sa rentrée au feu en soi, mais le fait qu'il soit un kafir aslan. À la base, c'est un kafir, donc qu'il fasse pour une mouche ou autre, c'est un kafir à la base, donc il va rentrer au feu. Donc à la base, c'était quelqu'un qui était musulman. Athaniyata ashar. Fihi shahidu lil hadith al-sahih al-jannatu akrabu ila hadikum min shirak na'alihi wa nar mithlu dharika. Al-hadith akhraju al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Mas'ud. Que dans ce hadith, il y a un shahid de hadith authentique qui est que le Jannah est plus proche de l'un d'entre vous que son propre lacet, dans sa chaussure. Et le feu également. Car regarde bien, pour une mouche, ça a été un nar ou un Jannah. Ou l'akhir, al-13, ma'arifat anna amel al-qalb ou al-maqsoud ou al-a'zom hatta inda. Et ce point-là qui est Mukharif, qui contredit le Ta'asiya, c'est pas l'autre que j'ai dit tout à l'heure, celui-là. Le fait de savoir que les œuvres du cœur sont en elles-mêmes le plus grand objectif dans ce qui revient à l'adoration des Awthan. Ça revient, ça contredit ce qu'il a dit en premier lieu, qu'il a voulu faire cela juste pour se débarrasser d'eux. Cheikh Othaymine dit que ce point-là, il y a Tanakoud avec le Ta'asiya dans le ta'wil du mu'allif, car lui il voit qu'il a fait cela juste pour se débarrasser. Alors que si on dit non, il a fait cela avec un ta'zim, ça coïncidera maintenant. Mais si on dit qu'il a fait cela juste pour se débarrasser d'eux, on dira ben, à la base, il n'aurait pas mérité le feu, à part si dans leur shadira, c'était interdit mutlakan. Enfin, mafhoum al-ders. Donc là on a pris le bab qui était le fait de sacrifier pour autant que Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa ila huna, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.